scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrèche, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, la suite, première émission. Après le printemps, en France, c'est l'été. En France, après le printemps de Prague, c'est aussi l'été, d'un autre genre. Le 21 août, la Tchécoslovaquie est envahie par les pays frères. Il en fut longuement question lors d'émissions précédentes. Bref retour sur la réaction à cet événement, le lendemain, sur les ondes françaises. Le drame de la Tchécoslovaquie, stupeur et réprobation dans le monde. Mais Prague ne s'incline pas, son gouvernement somme les envahisseurs de retirer leurs troupes. Le président Johnson lance aux Russes un appel dans le même sens. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à la demande de 6 pays, à savoir la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark et le Paraguay. Très vive émotion chez nous, le général de Gaulle condamne l'accord de Yalta et l'atteinte au droit et au destin d'une nation ennemie. Tous les partis politiques français, de la droite à la gauche, y compris le Parti communiste, tous les syndicats réprouvent aussi ce coup de force. Mais Jacques Rousseau, voyons tout de suite comment se présente la situation en Tchécoslovaquie à cette heure-ci. Eh bien, la Tchécoslovaquie s'est réveillée ce matin étroitement enserrée dans le dispositif des troupes soviétiques et de leurs alliés qui ont poursuivi l'occupation méthodique du pays et pris progressivement le contrôle de tous les moyens d'information. Hier soir, le président Svoboda a néanmoins pu parler à ses concitoyens. Il leur a annoncé qu'il avait convoqué l'Assemblée nationale en session spéciale pour essayer de rétablir la vie normale de la nation et assurer son intégrité. D'autre part, un congrès extraordinaire du PC tchécoslovaque a été convoqué ce matin à Prague. Cependant, on ignore exactement le sort des dirigeants. Selon certaines rumeurs, M. Dubček aurait été emmené en Union soviétique. D'autres rumeurs font état d'une tentative de quelques membres du Parti communiste tchécoslovaque pour prendre contact avec les autorités d'occupation. La radio clandestine favorable à M. Dubček met en garde contre cette initiative qu'elle qualifie de piège. Radio Prague, émettant de son studio clandestin, affirme ce matin que les chars russes sont à nouveau postés devant l'immeuble de la radio et visent le bâtiment. Radio Prague répète « Restez fidèles à M. Dubček ». Sur cette invitation, elle s'est tue, relevée immédiatement par la station de Ustinad Labem en Bohême du Nord. Et il y a une heure environ, Radio Ustinad Labem a annoncé que de sourdes détonations avaient retenti à Prague. Les coups de feu auraient été tirés dans le quartier Pankrak, où se trouve une grande prison pragoise. Des chars et de l'artillerie lourde sont stationnés autour de cette prison. Il faut rappeler qu'hier, les incidents entre soldats russes et la population avaient fait 4 morts et près de 200 blessés. Depuis hier, nous avons en Autriche un envoyé spécial, Alain Ferbach. Alain Ferbach se trouve aux confins austro-tchécoslovaques. Il est maintenant en liaison avec nous. Alain Ferbach, quels sont les éléments que vous avez pu glaner cette nuit? Eh bien, hier soir, sitôt notre édition de 20h, j'ai quitté Vienne pour la frontière. Cette fois, non pas à l'est de l'Autriche, vers Bratislava, comme hier après-midi, mais au nord-ouest, sur l'axe Vienne-Prague. À 80 km de Vienne, à Horn, j'ai remarqué d'importants mouvements de chars autrichiens. Les blindés se dirigeaient le long de la frontière. Le poste frontière le plus important se situe à Grumt, à mi-chemin entre Prague et Vienne. Dans l'espoir de pénétrer en Tchécoslovaquie, j'ai d'abord voulu passer par des petits postes frontières partout. Les Autrichiens m'ont refoulé, ou plus exactement déconseillé le passage, les troupes soviétiques ayant pris en début de soirée la place des douaniers tchécoslovaques. Il me restait donc Grumt comme poste frontière, le plus important, je vous l'ai dit, la surprise, aucune difficulté du côté autrichien. Du côté tchécoslovaque, le calme le plus total. La barrière était levée, mais 50 mètres plus loin, une herse barrait la route. Voici l'enregistrement que j'ai réalisé à ce moment-là. Il est 1h20 ce matin à ce poste frontière. C'est le plus grand calme. Je suis seul avec un policier tchèque. Que s'est-il passé exactement depuis l'autre nuit en Tchécoslovaquie? L'autre nuit? Oui, hier. Hier, alors Il s'agit de les armes soviétiques, allemandes, Pologne, Bulgarie et Hongrois qui sont entrées dans notre pays, oui, parce qu'ils ne sont pas contents avec la politique Dubček. Et nous croyons que c'est la chose seulement de notre pays, de notre peuple. Parce que nous voulons la liberté. Là, vous êtes militaire, puisque vous êtes policier à la douane. Vous êtes armé. Vous ne pouvez rien faire contre les troupes russes. C'est impossible. Je ne suis pas fou. Qu'est-ce qui va se passer alors maintenant ? Maintenant, vous voyez, c'est le calme, mais à la douane d'Olnidvorjeste, c'est la route à Linz, oui. Il y a trois tanks soviétiques qui sont entrés à cette douane, et ils veulent prendre le service à la frontière, mais les douaniers et les contrôleurs de passeport n'étaient pas contents avec cette chose et ils se sont dit qu'ils peuvent faire tout seul le service à la frontière. Mais là, nous sommes en territoire tchécoslovaque. Vous parlez très librement des événements avec un journaliste français. Vous dites que vous êtes contre les soviétiques. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre en ce moment un risque? Non. Non. Arrêtez cela. Arrêtez cela, le policier ne voulait pas se dérober. Mais devant nous allait se dérouler la prise du poste frontière par les soldats soviétiques. En effet, une colonne de chars se dirigeait vers nous. Écoutez. Juste le temps de repasser en Autriche, il était 2h du matin. Une demi-heure plus tard, je pouvais passer la frontière à pied en traversant une forêt. Après 3 km de marche, j'arrivais dans un petit village tchèque, Krabonos. Là, tout était calme, la lumière dans une seule maison. Une dizaine de personnes écoutaient la radio où le chef des troupes d'occupation demandait aux Tchèques de rester chez eux. De rester chez eux jusqu'à 5 heures du matin. Ils n'ont pas voulu que je les enregistre, mais tous montraient beaucoup d'optimisme. En effet, ils savaient que de nombreux pays étaient avec eux. Ils venaient de capter sur un poste autrichien la réunion du Conseil de sécurité. Pour eux, il n'y a pas de problème. Les Russes partiront. Dubček gagnera car il leur apporte la liberté. Ici, la frontière austro-tchécoslovaque. À vous, Paris. Chance I'd see you in the tavern, we'd smile. les archives de l'INA, on trouve de tout, de l'historique, de l'anecdotique, du drame, du léger, du sportif. On a suivi les Jeux Olympiques d'hiver, en tout cas ce qui pouvait nous intéresser, à savoir bien sûr la victoire d'un Français. Suivons, peu de temps, les JO d'été qui se déroulent en octobre, du reste à Mexico, à plus de 2000 mètres d'altitude. Et une fois de plus, que voulez-vous ? Nous sommes excellents, nous les Français, nous courons vite. Colette Besson, médaille d'or du 400 mètres haies. J'avais un point de mire Van der Hoeven qui avait réussi dans la demi-finale 52-6. Je l'ai passé facile. J'ai senti l'américaine qui me remontait. J'ai persisté, j'ai lutté. Et dans le virage, j'étais en troisième position. Votre mi-course était assez mauvaise, disons. Et puis c'est dans la dernière partie de l'épreuve que vous avez forcé votre talent pour remporter la victoire. Oui, j'étais vraiment bien et... Vous m'aviez dit avant le départ de la course, après votre victoire en demi-finale, vous m'aviez dit peut-être je pourrais faire troisième. Oui, je comptais une place d'honneur, mais là c'est... Colette Besson, quand on monte sur la plus haute marche du podium, quand on entend la Marseillaise et qu'on reçoit la médaille d'or, qu'est-ce que l'on ressent? Oh, c'est terrible. Vraiment, oui. J'étais très touchée, très émue. Et... Je vous ai observé de près, vous avez pleuré un moment. Ah oui, sans arrêt. Est-ce que cette médaille d'or, cela change quelque chose dans votre vie d'athlète maintenant? C'est-à-dire que maintenant, je serai responsable de mon titre. Maintenant, ce ne sera plus comme avant, mais enfin, je pense que je ne vais pas m'endormir sur mes lauriers, comme on dit. Je vais continuer l'entraînement et de manière... Première médaille d'or française depuis Melbourne sur un stade d'athlétisme. On n'avait pas entendu la Marseillaise depuis la victoire d'Alain Moon sur un stade d'athlétisme. Qu'avez-vous pensé au moment de la remise des médailles? Oui, pendant la Marseillaise, oui. Et vous savez que vous êtes aussi la première française depuis Londres à monter sur la plus haute marche du podium. Depuis Londres? Depuis Londres, oui, Michel Stermeyer. Ah oui, c'est ça, oui. Vous le saviez? Non, je veux un peu oublier Londres. C'est un peu loin pour vous, oui. Tout ça. Alors maintenant que vous êtes médaille d'or, que vous êtes sollicité de toutes parts, est-ce que ici, à Mexico, loin de chez vous, vous pensez quand même à la France? Oui, je pense à ma famille, à tout le monde, à mon grand-père qui est sûrement fou de joie, à la femme de mon entraîneur qui a fait beaucoup de sacrifices, elle aussi. Qu'auriez-vous envie de leur dire à l'instant même? Leur dire que je suis heureuse et qu'ils me tardent d'être près d'eux. Ce n'est pas une surprise pourtant pour tous ceux qui vous ont suivi cette victoire dans le 400 mètres. Vous êtes entraîné sérieusement? Non, mon entraîneur, pour eux. Il croyait beaucoup. On parlait de championne olympique, et puis... Et puis ça y est maintenant. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut. Solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent.

connais-tu le fait dans le château? Dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamants, rubis, topazes et blanches robes longues cachées dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. Je serai pendu demain au jour, dommage pour la fille de ce château. Car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château. Dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane, Lord et Lady de Laz avaient reçu la reine. Moi le fou que l'on toise, moi je crevais de haine caché dans le jardin. Moi je serrais les poings, je regardais danser Jane et son fiancé. C'était les années 60, aujourd'hui 1968, la suite, première émission. Document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission.